que les super méchants ne peuvent pas tomber amoureux, qu'on ne peut pas draguer dans les lavomatiques et vous aimez le fromage ? Eh bien, montez le son de votre radio et restez attentif pendant l'heure qui suit, puisque c'est Comics Discovery. Vous êtes toujours sur Radio Campus Montpellier, sur le 102.2. Et aujourd'hui, c'est une émission très, très, très spéciale. Plus que mon équipe m'a dit ce matin, finalement, je pourrais pas venir. Finalement, je suis malade. Finalement, j'ai un truc. Donc, je me suis retrouvé ce matin à 10h du mat, complètement tout seul pour préparer cette émission. Donc, j'ai décidé de faire une émission complètement spéciale et on va vous parler. Non pas de comics, enfin en début on parlera de comics, mais on va parler de séries télé. Et pour ça j'ai ramené avec moi ma comparse de l'Amicale du Geek, Faye. Salut Faye. Salut James, bonjour tout le monde. Mais quand même on va rester dans le comics. On reste dans le comics, mais c'est la série télé, ouais. Et on a un autre invité, c'est Léopold. Salut Léopold. Bien le bonjour, merci de m'avoir invité. Et est-ce que vous pouvez donner ce que vous faites dans la vie autre que répondre à des invitations au dernier moment? Léopold, si tu veux commencer à donner ton test, tu as une chaîne YouTube, je crois. Eh bien oui, exactement, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle The Viewer, qui est axée sur la critique de films, comme la vôtre. Et oui. Donc pas exactement pareil, oui, mais voilà. Et donc j'essaie de parler de films d'actualité, mais aussi je suis en train de créer une nouvelle émission qui serait sur des films où je serais sur un sujet plus large, où je pourrais parler d'un peu tout ce que je veux et pas me restreindre au cinéma d'actualité. Voilà. Ok, et toi Faye, est-ce que tu veux nous dire ce que tu fais sur l'Amicale du Geek? Ouais, attends, déjà j'essaie d'arranger. Oui, arrange ton micro. Excusez-moi, je découvre la radio, mais il remonte. Il n'y a plus de problème. Moi, ce que je fais, je travaille avec le petit James sur la chaîne YouTube de l'Amicale du Geek, où on parle de pop culture, c'est fantastique, ciné, série télé avec Geek en série. Et puis voilà, j'essaie de faire les petits scripts, on essaie de reprendre les tournages, voilà, c'est sympathique. C'est sympathique. Nous ne sommes pas morts et on va encore tourner des trucs. On n'avait plus d'ordi, donc. Il avait cramé, d'ailleurs, si vous aviez essayé d'écouter notre live, c'était. Oui, magnifique. C'était un peu à cause de ça. Et si vous pensez qu'on a eu trop de guests, sachez qu'on va encore en avoir un, puisqu'en fin d'émission, on va avoir le gentil SN Parod qui va venir nous parler de comics, lui. Donc il sera un peu plus dans le thème de notre émission. Puisque si vous ne l'avez pas compris dans l'intro, on va parler de Dr. Horrible, la web série de Joss Whedon, le génial créateur de Buffy. Mais on en parlera après. On va commencer avec les news. J'adore ce générique, je veux dire à chaque fois. Donc la première news, c'est Faye qui va nous la faire. Oui, tout à fait, James. Je vais vous parler d'un sujet très très grave. Un sujet qui plaira beaucoup à Maxime qui n'est pas là. Tout à fait. Après Green Lantern et la planète des singes, Batman contre les tortues ninja, qui pourrait bien finir en animation, DC continue sa politique de crossover puisque Boom Studio, qui s'occupe des comics Power Rangers, a annoncé la sortie d'un titre en janvier où nos amis, donc très colorés, rencontreraient des héros de la distinguée concurrence. Il s'agit d'une série. Donc il rencontrerait des gens de DC. Voilà, et il y aurait plusieurs couvertures de proposer. Oui, il va y avoir une série et en plus plein de variant covers par des artistes. Notamment Dustin Nguyen, qui n'avait pas travaillé sur. Sur Descenders, c'est sur Batman Eternal aussi. Voilà, il y a Marguerite Sauvage. La petite Frenchie de Marguerite Sauvage, que vous avez peut-être vu à la petite. Sauvage peut-être. Sauvage, oui, c'est Sauvage. Oui. Qui a fait Wonder Woman, c'est ça? Non, qui a pas noté ce qu'elle a fait. Ouais. Je sais plus ce qu'elle a fait. Excusez-moi, c'est ma première. Pas de problème. Voilà, et un monsieur qui s'appelle Marcus Tho. Oui, c'est ça, qui fera Wonder Woman versus Ranger Rouge. Voilà. Voilà. Est-ce que ça vous hype? Est-ce que tu lirais un crossover entre Power Rangers et l'univers de DC? Eh bien, écoute, non. je suis pas spécialement fan de Power Rangers. C'est pas trop ta génération en même temps. Voilà, sans doute. Moi je veux XOR contre Batman. Ok, bon, on va passer à une autre news. Et c'est moi qui veux faire. Alors, il vous avait manqué, j'espère pour moi il m'avait beaucoup manqué. C'est la meilleure équipe créative de tous les temps. Et non, je ne suis pas du tout un fanboy. C'est Greg Capullo et Scott Snyder qui ont officié depuis 2011 sur le personnage de Batman, qui malheureusement était parti pour d'autres horizons, notamment Greg Capullo qui était parti chez Image pour faire un truc avec Mark Millar qui s'appelle Reborn, dont on vous parlera peut-être quand ce sera sorti. Et donc il va revenir avec son cher ami Snyder pour s'occuper de l'event 2017 de DC. Et pour les gens qui ne sauraient pas ce que c'est un event, parce que je pense qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ne savent pas ce que c'est un event en comics, est-ce que Faye, tu peux nous parler, expliquer ce que c'est un event en comics? ou tu ne sais pas non plus ? Alors, c'est quand il se passe un très très grand événement qui va le bouleverser un peu le statu quo peut-être. Oui, c'est ça, exactement. Donc c'est un truc qui arrive deux fois par an ou une fois par an chez en comics et qui c'est une espèce de gros crossover avec tout l'univers de chez DC ou de chez Marvel. Des crossovers comme vous avez Flashpoint qui est un peu connu, vous avez Forever Evil chez DC aussi, un truc Civil War chez Marvel. Donc c'est des gros événements où il y a plein de monde qui sont. Avengers versus X-Men, non ? Oui, Avengers versus X-Men, un autre qui est connu. Et c'est Greg Capullo et Scott Snyder qui vont s'occuper du celui de 2017 et qui parlera d'un Batman très rock'n'roll. Donc ça me donne beaucoup envie. Moi j'aime beaucoup les events de chez DC plus que ceux de Marvel. Est-ce que Léopold, tu as lu tu lis beaucoup de Batman, est-ce que t'as lu un petit event chez DC? Non, pas encore. Chez DC, non, j'ai pas lu d'event chez DC. Moi j'ai lu Civil War comme tout le monde. Voilà. Mais chez DC non. Est-ce que ça t'avait plu Civil War? Mais si, je dis une connerie parce que j'ai lu Flashpoint. Bah voilà, t'avais lu. J'ai lu Flashpoint que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Ceci dit, j'avoue que j'ai une petite préférence pour l'animé qui je trouve est un peu moins non. Fouillis. Et si. On va pas être d'accord. Je trouve vraiment que. Après, t'as peut-être pas lu les tie-in parce qu'il y a. Enfin. En comics, vous avez l'œuvre normale et puis après vous avez des séries un peu pour que les gens l'achètent et pour que DC se fasse un peu de thunes. Ça s'appelle un tie-in et les tie-in de Flashpoint étaient des vachement cool, notamment un entre le Joker de l'univers de Flashpoint et le Batman qui était vraiment génial. Joker et qui, de Martha Wayne. Ouais, voilà. Tu as spoilé le français. Ah, pardon. Et du coup, c'était dans pas Flash. Dans l'animé ça et c'était dommage parce que c'était cool. Ouais, mais justement, je trouve que l'animé a évincé plein d'éléments secondaires pour se concentrer sur le principal et faire. Bah du coup, c'est plus un event, mais en même temps, l'animé il est un peu à prendre à part. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était une bonne adaptation. Oui, moi aussi, je le conseille. Il est sympathique quand même. On va passer à autre chose. Oui. Oui. Vas-y. On va passer à notre news. Et c'est encore Faye qui va nous parler de Star Wars. Ah, c'est encore moi. Oui. Oui, alors Star Wars, comme vous le savez, Dark Vador va finir au numéro 25. Oui, on en avait parlé il y a une émission ou deux, je ne sais plus. Eh bien, Marvel a annoncé ce qui allait prendre sa succession. Alors, il s'agit d'un comics qui va être sur le docteur Aphra, qui est un personnage que vous avez pu découvrir dans Dark Vador, qui aidait en fait le Seigneur Vador à trouver des infos sur le mystérieux Luke Skywalker. Et donc c'est en gros un archéologue de l'espace qui est accompagné par deux robots et par un chasseur de primes Wookiee. Et c'est une fille. Et c'est une fille, exactement. Et c'est la première série sur un personnage créé dans les comics. Exactement, puisque c'est cool. Justement Kieron Gillen qui Kieron a créé... Gillen, ouais. Comment ? Kieron Gillen. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui. Kieron Gillen, qui a créé le personnage dans le comics Darth Vader, qui va s'occuper du scénario du comics. Ouais, c'est cool. Donc ça peut être sympa, mais pour avoir lu le comics, je suis un peu sceptique. Mais Kieron Gillen, il est pas à dessin plutôt qu'au scénario ? Alors, je sais pas, j'ai connu. Je sais plus. On vous le dira en commentaire. Parce que je sais pas, c'est lui qui l'a créé en tout cas, donc je pense que c'est le scénario. Ok, et moi ça m'a hypé bien. Est-ce que tu as lu les séries Star Wars en comics ? Pas du non. Tout. Ok, c'est pas grave. Bah moi je les conseille, bon pas toutes, mais... Merci. Baisse un peu ton micro peut-être. Excuse-moi, mais il arrête pas de remonter. D'accord. Non, franchement, les comics Star Wars, ils sont assez cohérents et ils sont quand même sympathiques à lire. Je mettrai juste un bémol sur ceux qui sont centrés sur des personnages en particulier. Voilà. Ok, d'accord. Oui. Et on va enchaîner avec une autre news. Et moi, je voulais vous parler de Lobo. Donc, je ne sais pas si vous savez qui est Lobo. C'est un personnage assez aimé et assez, assez aimé chez comics. C'est un espèce de mélange entre, je dirais, Deadpool et Wolverine. Donc, c'est un espèce de motard, un mercenaire assez bourrin. Mais malheureusement, il est assez absent dans l'univers de DC puisqu'il n'a pas de série sur lui et l'écriture des New 52 avait été assez dégrillée, les gens avaient râlé, je crois que c'est Kieron Gillen aussi qui s'en occupait. Et en fait il avait transformé en espèce d'émo, c'était un peu nul. On sait qu'il y a beaucoup de projets qui sont en attente de validation par DC et un notamment de Rick Remender. Rick Remender, c'était le scénariste de Black Science et de Deadly Class et malheureusement il s'est plaint sur Twitter cette semaine qu'il avait justement un projet avec Tony Moore, donc Tony Moore très connu pour Walking Dead, qui a été refusé par l'éditeur malheureusement. Pourtant le pitch était assez cool puisque c'était un bilan de la société et sa culture émergente de la télé-réalité et comment elle allait pourrir et détruire notre culture, et Lobo devait veiller à ça d'une façon très lobesque, comme on pourrait dire. Et voilà, et moi ça m'a hypé bien ce petit pitch. Est-ce que ce pitch vous a donné envie? Bah, tout à fait, moi j'aime beaucoup Lobo, donc pour le coup, ouais, ça m'aurait bien plu. Et toi? Excusez-moi, micro. J'aime bien Lobo, mais j'ai pas trop aimé Black Science, alors du coup... Ah, t'as pas aimé Black Science. On du coup, en je suis un jour, peu... Peut-être. Voilà, j'attends de voir. Mais le perso, okay. Sympa. Ouais, bah moi, ça m'a hypé beaucoup. J'avais très envie d'y... J'adore Rick Remender. Et j'aime bien Tommy Newmore aussi, même si j'aime pas trop Walking Dead. Et bah, je trouve ça dommage. Et c'est vraiment dommage que DC laisse tomber cette histoire, ce personnage, parce qu'ils le mettent de côté, et c'est un personnage qui a du charisme et qui est cool, donc c'est dommage. Je suis étonné qu'on l'ait pas vu au cinéma. Oui, je sais pas, c'est comme c'est un personnage qui est un peu trash. Maintenant que Deadpool est sorti, on peut espérer peut-être le voir. Parce qu'en animé, ça fonctionne. Ouais, il était dans le dessin animé Superman de notre enfant, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était très cool. Et on va passer à une autre news. Et c'est Léopold qui va nous parler de Logan. Effectivement, parce qu'en ce moment, on a énormément de nouvelles photos pour Logan, hein, le dernier film avec l'Australien Hugh Jackman dans la peau du mutant griffu, qui se paye donc une sacrée promotion en ce moment. Donc on nous promet une myriade de vilains contre Wolverine, avec notamment Caliban, qu'on avait déjà vu dans X-Men Apocalypse sous les traits de Thomas le Marquis, mais cette fois incarné par Stephen Merchant, connu pour avoir co-créé The Office avec Ricky Gervais. On a également le gang de cyborg criminels, les Rivers, oui. et notamment leur chef joué par Boyd Holbrook. Ouais, c'est pour ça que je t'ai donné cette news, il y avait trop de noms chiants à dire. Ah super, merci. Boyd Holbrook qui a interprété l'enquêteur Murphy dans Narcos, ouais, super, la série Netflix. Ouais, c'est la série Netflix, j'ai très cool. Moi. Et bah tu dois la mater, elle est super bien. Ou encore le cerveau du crime Arcade. Cette pléiade de méchants n'est pas vraiment très étonnante, puisque le film de James Mangold est censé s'inspirer du récit bien connu Old Man Logan de Mark Millar, où un Logan vieillissant partait dans un road trip sanglant dans une Amérique post-apocalyptique. Mais ce n'est même pas tout, puisqu'en fait, on aurait également apparemment le droit à l'apparition d'un des meilleurs méchants de X-Men, Monsieur Sinistre, qu'on nous avait teasé d'ailleurs dans la scène post-générique de X-Men Apocalypse. Mais en fait, on le sait parce que c'est dans les commentaires audio, c'est Bryan Singer qui le dit, oui, ça va être le méchant du prochain. Bah, parfait. Donc, il serait le grand méchant du film, et on aurait également l'apparition de X-23, le clone féminin de Logan. Et ça me hype beaucoup. Et je pense que c'est elle, la petite fille, en fait, qu'on voit sur les photos. Justement, c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup, parce qu'en plus c'est un film qui sera interdit au moins de 17 ans, rated R, hein, comme l'avait été Deadpool. Et si on a une petite fille un peu violente, qui ferait un peu un nouveau comme Hit Girl, c'est exactement ça. Moi ça me plaît bien. Est-ce que ça te hype un peu Bah ça m'intrigue, ouais, j'espère qu'on aura enfin un bon film Wolverine, parce que les deux premiers... Bon, le deuxième, ils ont essayé de corriger les choses, mais franchement, il y avait encore beaucoup de problèmes. Moi, je crois pas du tout en tout puis, la Fox. Attention, je vais me faire taper par le monde entier, mais j'attends que Hugh Jackman se barre, parce que je ne peux pas le blairer, cet acteur. Oh. Voilà. Je pense qu'ils vont peut-être supprimer le personnage et passer à X-23, et ce sera X-23 qui nous dit, c'est ce qu'il faut faire. Parce que j'aime bien X-23. Ok, bah c'est cool. Et tu avais une autre news, je crois. Non. T'avais plus de news ? Je m'en ai donné que deux. J'en ai que des mots, bah, je vais finir avec la mienne. Désolé. Et en plus, on n'est pas dans les temps, mais c'est pas grave. Moi, je voulais parler de Wonder Woman. Et donc, DC a décidé que le 21 octobre, ce sera la journée de Wonder Woman. Donc, vous le saurez. Le 21 octobre, vous pourrez fêter Wonder Woman. Et en plus de ça, ils ont demandé à l'ONU de faire de Diana une membre honoraire de les Nations Unies. Donc, elle va avoir le droit à sa cérémonie le 23 octobre avec Ban Ki-moon, la secrétaire générale de l'ONU et la présidente de DC, Diane Nelson. Donc, et en fait, ils vont faire une espèce de campagne d'action pour l'égalité des sexes et l'émancipation de toutes les femmes et des filles. Donc c'est Diana qui va aller casser la gueule aux machos. Elle a bien raison, je soutiens. Tu soutiens ? Ouais, je soutiens. Et par contre, est-ce qu'il y aura les actrices qui ont incarné Wonder Woman ? Dans la news, ils en parlaient, mais ils disaient que c'était pas prévu, enfin qu'il en avait pas. Dommage. Oui, c'est dommage. Ouais. C'est qui déjà qui faisait la. Linda Carter et du coup Gal Gadot peut-être. Ah, j'adorais combien de fois j'ai tourné comme ça pour essayer de me changer en Wonder Woman, c'est jamais arrivé. Malheureusement. Bah du coup on a fini les news et on va passer à la première pause musicale et on va expliquer je pense après la pause musicale pourquoi pourquoi tu as choisi cette chanson, parce que c'est Léopold qui l'a choisi. Donc c'est parti pour cette première pause musicale et c'est Men's Gotta Do, je crois, c'est et donc ça. C'est Dr. Horrible. Man's gotta do what a man's gotta do. Don't plan the plan if you can't follow through. All that matters, taking matters into your own hands. Soon I'll control everything. My wish is your command. Stand back, everyone, nothing here to see. Just imminent danger in the middle of it, me. Yes, Captain Hammer's here, hair blowing in the breeze. The day needs my saving expertise. A man's gotta do what a man's gotta do. Seems destiny ends with me saving you. The only doom that's looming is you loving me to death. So I'll give you a second to catch your breath. Thank you, Hammerman. I don't think I can explain how important it was that you stopped the van. I would be splattered, I'd be crushed under debris. Thank you, sir, for saving me. Don't worry about it. A man's gotta do what a man's gotta do. Are you Seems destiny. What heist were you watching? Saving you. Stop looking at her like that. When you're the best, you Did can't you rest. What's the garbage? There's ass needs kicking, some ticking bomb. I stopped the van. The remote control is in my hand. Only doom that's looming is you loving me to death. So please give me a sec to catch my breath. Donc c'était Men's Gotta Do de Dr. Horrible, et vous êtes toujours sur Radio Campus Montpellier sur le 102.2, et on va commencer en demandant à Léopold, pendant qu'il est en train de taper son, son message, pourquoi tu as choisi cette chanson, pourquoi c'est ta préférée, parce que oui, c'était, j'ai demandé à nos invités de choisir une chanson de Dr. Horrible. C'est ça, alors bon, y en avait une qui était déjà choisie et que j'aimais beaucoup, et sinon Men's Gotta Do, j'aime beaucoup parce que c'est une chanson qui réunit déjà les trois personnages, ouais. Et puis qui joue sur plusieurs tempos en fonction des personnages qui résume assez bien le film. En fait, chaque partition des personnages résume le personnage, en fait. Et j'aime bien. Ok. Et je vais laisser le lead du débat parce que j'ai pas eu le temps de le préparer. Oui, je suis honnête avec vous. Donc je laisse le lead du débat à Faye, donc qui va nous parler de Dr. Horrible. Est-ce que tu veux nous parler de son créateur avant, peut-être ? Oui, je pense que ce serait pas mal un peu pour vous montrer qui est l'homme, qui est le dieu vivant, c'est comme ça que j'appelle, Joss Whedon, donc qui est né en 1964. Il vient d'une famille de scénaristes et il aime beaucoup travailler en famille, notamment avec ses deux frères Jed et Zach, avec qui il a bossé donc sur Dr. Horrible, sur Buffy. Justement, je sais plus quel c'est des deux qui travaille sur la série... Jed. Je crois, sur la série Agent of Shield. Donc c'est vraiment quelqu'un qui aime bien s'entourer de son petit cocon. Donc il a commencé comme scénariste sur la série Roseanne. Je sais pas si vous vous rappelez, pour les petits vieux, dans les années 90, la série Roseanne avec Jean-Labat. Même moi, je l'ai pas vue. Et notamment John Goodman. Mais elle était vraiment très bien, cette sitcom. Je vous la conseille. Il a aussi été script doctor, c'est-à-dire qu'en fait, il revoyait les scripts et il essayait de les améliorer. Donc il a bossé notamment sur celui de Speed, de Twister, de Waterworld. Donc super. Il a été également le scénariste du premier Toy Story. Important. Oui. De Alien la Résurrection, même s'il a été très très déçu du résultat. On lui a viré son scénario. Ouais. Enfin bon, il a traité. Comment il s'appelle, le réalisateur du 4, et je perds mon. Jean-Pierre Jeunet. Jeunet, voilà, il lui a dit qu'il avait trahi. Enfin bref, plein d'histoires. C'est quelque chose de très. On va dire qu'il revient souvent dans la vie de Joss Whedon, la trahison. La trahison. Voilà, et il est aussi connu donc, pour être le scénariste d'un petit film qui s'appelait Buffy contre les vampires. Et là, encore, c'est Bichette contre les vampires. En français, oui, c'est Bichette, allez savoir pourquoi. Mais il a été trahi par le studio, il me semble que c'était la Fox. C'est pas étonnant. Et le film est devenu un gros nanar, mais heureusement, il a pu se rattraper avec la série télé Buffy, qui est juste un monument de la pop culture, de la culture geek. Et c'est une série que je vous conseille de voir. Vous avez du fantastique, vous avez une réflexion sur l'adolescence, et vous retrouvez même des thématiques des comics, parce que Joss Whedon est un geek, n'est-ce oui, pas, oui. James ? Oui, c'est un grand fan de comics. Voilà, et justement, dans la série, on trouve des références, par exemple, à Spider-Man, dans la façon dont Buffy va se battre, qu'il y aura toujours un petit ouais, mot balance sympathique. Des vannes et tout, ouais. Voilà, on retrouve beaucoup de thématiques, comme par exemple, dans la saison 3, Buffy a tout un épisode où elle perd ses pouvoirs, et donc elle se sent démunie, enfin, c'est assez intéressant. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui va utiliser l'humour, les références à la pop culture, pour parler de sujets graves. Il a traumatisé une génération, on peut le dire. Tu as pleuré toi aussi quand la maman de Buffy est morte. Voilà, ce genre de saison 5. Bref, et c'est aussi un réalisateur, comme vous avez pu le découvrir. Il a fait les deux Avengers, même s'il a eu une petite trahison sur Avengers 2. Il s'en est expliqué. Trahison, encore une fois. Voilà, il a aussi travaillé sur... J'avais complètement oublié qu'il a fait le 2. Bah oui. Il a aussi travaillé sur le scénario et un peu sur la réalisation avec son comparse Drew Goddard sur l'excellent La cabane dans les bois, dont j'ai fait une vidéo sur l'Amicale du Geek. Putain, comment elle se fait de la... Pub gratos. Et Whedon, eh bien, pour revenir sur la thématique du comics, il a aussi écrit des scénarios de comics, notamment, alors je sais bien le prononcer... Aston Jennings. Voilà, merci James, ça m'évite de le dire. Il a pas fait Runaway aussi ? C'est possible, oui. Je crois qu'il a fait en tout cas, c'est un arc super intéressant. J'ai eu l'occasion de le lire assez récemment et nos amis de l'émission Pourquoi Buffy c'est génial en avaient parlé dans le calendrier de l'Avent de Noël dernier. On annonce, on va pas le refaire le calendrier de l'Avent pour les gens qui nous écoutent. Non, mais c'est quand même, voilà, c'est un gars qui arrive à bien comprendre ce qu'est le super-héros, à montrer le côté humain qu'il y a derrière lui. Et puis c'est surtout un gros féministe qui écrit magnifiquement bien des personnages de femmes féminins, fortes et qui sait les mettre Buffy, en scène. Dans Dollhouse et dans Firefly. Justement, il a travaillé également, j'allais dire, sur d'autres séries, Dallas et Firefly, qui a été annulée encore la trahison. Par la Fox. Toujours il la a Fox. D'ailleurs continué ses séries en comics, donc notamment Buffy qui va commencer sa 11e saison en comics. Donc il chapeaute tout ça avec l'aide d'autres scénaristes. Donc c'est un homme vraiment qui connaît bien le sujet à fond. Ok, est-ce que tu veux nous parler de Dr. Horrible maintenant ? Tout à fait. Un peu le contexte de comment est arrivée la série, tout ça ? Alors, Dr. Horrible a été créé en 2008 et dans un contexte particulier car il y avait une grève des scénaristes, la fameuse grève des scénaristes qui avait amputé pas mal de séries. Lost notamment. Lost, voilà, Pushing Daisy notamment. Prison Break aussi. Break, voilà, des grosses séries. Et donc Whedon, comme ça, un gars qui arrive, qui peut pas... tenir en place, il avait besoin de s'occuper et il s'est dit ok, je vais faire un programme avec peu de moyens pour montrer en gros studio qu'on peut faire des choses de qualité en temps rapide, facilement, sans passer par la télévision ou le cinéma. Ouais. Donc il parle avec son frère et la femme de son frère, il s'est dit tiens, allez, on aime les super-héros, on est des fous, on va faire une comédie musicale de super-héros. C'est fantastique. Ouais. Et donc c'est ainsi qu'est né Captain Hammer, une web-série en trois actes. Docteur Horrible. C'est moi, Captain Hammer. Captain Hammer, c'est méchant. Oh, vous voyez, enfin, c'est le méchant gentil. C'est ça, ouais. Donc c'est comme ça qu'est né Docteur Horrible, une web-série qui a été diffusée sur YouTube en trois actes, avec une BO juste fantastique, plein de petites pop. Oui, parce que vous l'aurez compris, c'était une comédie musicale. Voilà, il avait déjà réussi ce thème de la comédie musicale avec un épisode culte dans la série Buffy. Ouais. Et donc là, il a continué sur sa lancée avec... avec une super comédie musicale, génialissime. Tout à fait. Est-ce que tu veux que je fasse le pitch maintenant ? Ouais, tu veux peut-être nous pitcher un peu la série ? Oui, alors donc Dr. Horrible en fait se passe du point de vue de Billy, un jeune garçon qui veut devenir un vilain. Mais c'est son vrai nom ou c'est moi enfin... Oui, il s'appelle Billy en fait. Ok. Voilà. Je te coupe la parole pour des trucs qui servent à rien. C'est pas. Donc ce petit Billy, en fait, il veut devenir un super méchant et rentrer dans la Ligue. Alors attention, le nom de la super Ligue. League of Evil, non ? Oui, c'est ça. Merci, James. Ouais. Qui est dirigé par Bad Horse. Bad Horse. Ouais, tout à fait. Et en fait, il tient un vlog sur Internet où voilà, il montre son parcours de vilain, ce qu'il fait, il répond aux gens, il fait des FAQ, c'est super, enfin, c'est une star, quoi. Et en même temps, il est amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Penny, qu'il rencontre tout le temps au lavomatique. Oui, exactement. Ce que j'allais dire en anglais. Et il n'ose pas lui parler et tout. On se dit, c'est quelqu'un de normal. Et face à ça, eh ben, il est opposé à Captain Hammer, qui est censé être le super-héros trop fort, trop beau, trop machin. Et je veux pas trop spoiler, mais il va se passer des choses. On est avec Whedon, donc forcément, ça va finir dramatiquement. Voilà, parce que Whedon, c'est quelqu'un qui est quand même assez sadique, qui aime bien faire souffrir. Chier ses personnages. Voilà. Oui, c'est ça. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que ça montre aussi l'indépendance du film, parce que c'est pas un gros studio qui aurait permis une fin, fin un peu dramatique. Il faut dire comme que ça. C'est Whedon qui a personnellement financé en fait toute la web-série. Okay. Donc du coup, voilà, il a, donc, comme j'ai dit, il a travaillé avec son frère et la fiancée de son frère qui ont écrit toute la musique. Lui a écrit les paroles. Et donc ils ont tourné ça en vraiment très peu de semaines. Et au niveau du casting, on retrouve Neil Patrick Harris, l'excellent Neil Patrick Harris, que vous avez pu voir dans How I Met Your Mother, par exemple. Dans Dr. Dougie. Oui, dans Dr. Dougie. Dans Gone Girl au cinéma récemment. Ah oui, c'est vrai. Exactement. Qui changeait beaucoup de ses rôles habituels, qui était très très bien. Mais c'est un excellent acteur, franchement. Ouais, c'est un super acteur. Voilà, on retrouve également des habituels de l'univers Whedon, avec Nathan Fillion, qui avait travaillé avec lui sur la dernière saison de Buffy, ainsi que bien sûr sur Firefly. Et également Felicia Day, qui avait travaillé donc avec Whedon sur la dernière saison de Buffy. Elle faisait une potentielle, si vous vous rappelez. Oui. Et c'est aussi, elle aussi, c'est aussi un symbole de la pop culture et de la culture geek. Avec c'est sa... un peu la reine des geeks. Voilà, avec sa web série justement qui était diffusée, il me semble, sur, je sais pas si c'était sur YouTube, mais en tout cas sur des réseaux, enfin sur des plateformes, ouais. Qui s'appelait donc The Guild. Et qui, voilà, qui a fait moult choses. Elle a d'ailleurs une chaîne YouTube où elle passe différents programmes. Donc une équipe solide. Okay. Et on retrouve également un acteur de Big Bang Theory, Simon Helberg, qui fait Volovitz, c'est ça dans... Ouais, Howard, dans Big Bang Theory. Mais ne parlons pas de cette série, c'est le cancer. Donc une équipe solide pour un truc qui est juste immense. Est-ce qu'on peut faire un petit tour de table, donner notre avis sur, le, sur la chose? Ouais, est-ce avant que... de commencer oui. que ton oui. laïus sur... Ouais. Comme, vas-y. Ouais, est-ce que tu veux commencer, Léopold ? Eh bien, allons-y. Bah, moi, Dr. Evil, j'aime beaucoup. J'ai découvert ça, je crois, il y a à peu près un an. Et en regardant tout simplement la filmographie de Whedon. Et j'aime beaucoup déjà parce que pour l'intention de base, déjà de faire quelque chose sans les studios, de se dire que même avec peu de moyens, on peut faire quelque chose de bien. Et même avec un casting, un gros casting quand même. Hein. Ouais. Et j'aime beaucoup le concept, bon, bah, comédie romantique, moi c'est... moi j'aime bien, moi ça me parle. Ah ouais, ça te parle. Ouais, c'est, bizarrement ça me parle. Et je suis pas fan des comédies musicales habituellement, mais celle-là a une tellement bonne BO que vraiment j'aime beaucoup. Enfin, la BO elle s'écoute aussi toute seule, moi je l'écoute régulièrement séparément. Et il y a aussi le côté super-héros qui est très plaisant quoi. C'est fait, en plus c'est fait avec trois bouts de ficelle, ça donne vraiment envie de créer aussi cette série. Quand tu vois qu'elle est faite avec, avec peu de moyens, ouais, et, quasiment rien, ouais. Et tu sens la bonne intention, vraiment c'est quelque chose qui... Et c'est pas cheap du tout en plus, c'est ça qui est cool. C'est pas cheap du tout. Ouais. Non. Bah, il y a quand même un petit côté kitsch, mais dans le bon sens. Non, mais cheap. Ah, cheap. Ouais, ça fait pas le truc pas cher, ouais. On dirait pas les trucs de Asylum ou un truc comme ça quoi. Il met pas non, c'est fait avec soin. C'est les costumes sont simples et tout, mais c'est ça rend le truc réel, je trouve. Ouais. C'est, il sait qu'il a pas beaucoup de moyens, donc il fait ça. Mais on en reparlera. Ouais. Est-ce que tu veux te donner ton avis, Faye? Oh bah moi, comme tout ce que fait Whedon, je suis amoureuse de ça. C'est rafraîchissant, c'est original, justement par le fait qu'on suive un vilain. Voilà, c'est un point de vue qu'on n'a pas vraiment, que ce soit au cinéma, dans les films adaptés ou même en série télé. Et je trouve que finalement, il y a une approche qui était déjà à l'avance de ce qui se fait maintenant encore. Tu vois, il est, voilà, il est au-delà. Whedon. Il est au-delà de tout le monde. C'est le casting génial. Pas du tout fanboy. Non, voilà, non, mais je suis à fond. Whedon est un génie. Voilà, d'accord. Je le dis. Moi, j'ai donné mon avis. Moi, je vais un peu du même avec Faye. Moi, j'ai découvert ça bah, au moment, en 2008. Je regardais comment ça sortait. Et je suis tombé... Enfin, après, j'aime tout ce que fait Whedon, que ce soit Buffy, Firefly. Enfin, tout ça, c'est assez génial à chaque fois qu'il fait un truc. Tout ce qu'il touche, ça devient de l'or, à part Avengers 2, malheureusement. Oui, mais c'est pas sa faute. Je le défendrai jusqu'au bout. Oui, bon, malheureusement, pour lui, ça n'a pas fonctionné. Mais Dr. Gribble, ça fonctionne totalement sur moi. Comme Léopold, je suis pas un grand fan de comédie musicale, et pourtant bah il y a ça, et puis il y a Buffy que j'écoute pratiquement toutes les semaines, j'écoute au moins une fois. J'écoute tous les jours. D'accord. je suis vraiment fan de cet univers, et même de tout ce qu'il arrive à mettre en place. Le fait qu'il fasse une comédie musicale, moi ça va un peu moins parler, je vais moins vers ce type là de cinéma ou même de série télé, et pourtant ça va me parler parce qu'il arrive à être dramatique, il arrive à te faire rire et te faire pleurer en même temps, c'est ça qui est génial. Non, mais ce que j'aime beaucoup aussi dans cette comédie musicale, c'est que moi, ce qui me déplaît généralement, c'est que ça fait un peu forcé, c'est que les chansons, elles sont là, je te dis, mais ouais, mais pourquoi il y a une chanson là? Et ça me fait beaucoup ça dans les Disney, alors que là, il y a un côté très cartoon dans l'ensemble, donc je l'accepte beaucoup plus facilement. Ok. Est-ce que tu veux passer sur... T'avais imprévu un petit... Comme c'est toi qui avais le lead du débat. Oui. Et bah, en fait, on a déjà empiété dessus, c'est-à-dire montrer l'originalité de choses. Et c'est vrai qu'il y a d'autres supports qui ont essayé de faire pareil. Je pensais notamment au dessin animé de DreamWorks qui s'appelait Megamind, où on avait pareil le point oui, de vue d'un, d'un méchant, d'un méchant qui était amoureux d'une fille avec le héros et machin. Et je trouve que c'était beaucoup moins réussi que celui-là. Parce que comme on va le voir, il y a une couche de divertissement et une sous-couche en dessous de réflexion qui est juste... du génie, magnifique. Voilà. Ok. Est-ce que tu veux qu'on passe à la troisième, pause musicale ? Si tu veux. Et c'est toi qui avais choisi. Alors une chanson qui s'appelle So They Say. Donc on va passer à la troisième pause musicale. Donc c'est So They Say. Allez. So they say Captain Hammer's become a crusader. Political, he's cleaning up the streets. About time. So they say that it's real love. So romantic. He signed this. So they say we'll have blankets and beds we can open by Monday. Thanks to you. Thanks to me. It's the perfect story. So they say, a hero leading the way. Hammer's call to glory. Let's all be our best. Next up, who's gay? So they say he saved her life. They say she works with the homeless and doesn't eat meat. We have a problem with her. This is his hair. This is so nice. I just might sleep with the same girl twice. They say it's better the second time. They say you get to do the weird stuff. We do the weird stuff. This is perfect for me. So they say, I guess he's pretty okay. After years of stormy sailing, have I finally found the bay? There's no happy ending, so they say, not for me anyway. Should I stop pretending, take the chance to build a brand new day? This is his dry cleaning bill for sweater vests. Et c'était So They Say, et donc c'est Faye qui l'avait choisi. Tu veux peut-être nous dire pourquoi tu l'avais choisi cette chanson en attends, particulier. Je remets mon casque qui tombe. Vas-y. Alors, j'ai choisi cette chanson en particulier parce qu'elle exprime en fait une des thématiques qui est traitée dans Dr. Abel, c'est en fait les apparences. C'est-à-dire que ce moment-là dans la chanson, on a un peu en fait les médias qui parlent un peu de ce qui se passe, à savoir que Captain Hammer a aidé sa copine Penny pour sauver des sans-abri et créer un refuge. Et donc, on le glorifie. Voilà, c'est le meilleur, c'est le plus beau. Et en même temps, pendant ce temps-là, on a Dr. Rebel qui est rongé par la jalousie, qui doit tuer quelqu'un pour pouvoir entrer dans la ligue des méchants. Ouais. Et donc la jalousie. Tout le, tout désolé, le truc, non, mais c'est pour expliquer. Et donc en fait, pourquoi je parlais de ça ? Parce que dans Dr. Rebel, justement, on a, comme j'ai dit, ces apparences, à savoir le gentil doit être gentil, le méchant est montré en méchant, alors qu'en fait, c'est pas ce qu'ils sont réellement. Il y a vraiment, c'est ça qui est intéressant. Il y a vraiment un décalage entre ce que les médias dans le Dr. Abel montrent et ce qu'ils sont vraiment. Ouais, le mot c'est vraiment décalage. En fait, il a inversé tous les rôles et. Ouais, c'est ça qui. Ouais, il y a ce Captain Hammer qui est vraiment un débile après, complet. Après. c'est même pas qu'il est méchant, c'est juste qu'il est bête quoi. Mm. Et il y a Dr. Abel qui veut se placer. Enfin, ça se voit qu'il est pas vraiment méchant, mais il a envie de changer le monde, de se démarquer en fait. Et il a trouvé que cette solution pour changer le monde. En fait, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a des jeux de miroir. Et ça, c'est quelque chose que Whedon aime beaucoup. On a un jeu de miroir entre Penny et Billy, à savoir que tous les deux vivent dans un fantasme. Donc Billy, c'est le fantasme des comics, du vilain qui est classe, qui fait des actions qu'on adore et tout. Et Penny, c'est oui, je suis gentil, je veux sauver le monde. Ils sont tous les deux innocents. Et au fur et à mesure qu'ils rentrent en contact de ce Captain Hammer qui est un con, et ben en fait ils vont déchanter et chacun voilà va être depuis. C'est une série qui est très très sombre en fait. Ouais bah oui, c'est un truc, c'est vachement pessimiste au final. Mmh. Oui au final ouais. Ouais. Et je trouve que la réalisation quand même est assez intéressante parce qu'il n'y a pas de gros mouvements de caméra. On a souvent la caméra qui est au plus près des personnages et finalement ça plus le script ça nous les rend très très humains et on peut s'identifier facilement à eux. Je sais pas. C'est une réalisation qui est assez série. Hein. On voit que ce que j'aime bien avec Whedon aussi c'est qu'il vraiment il différencie énormément quand il passe au cinéma. Il y a une réalisation qui est beaucoup plus soignée, enfin soignée entre guillemets. Enfin c'est une réalisation qui est beaucoup plus cinéma alors que certains réalisateurs de série quand ils passent au cinéma ils restent avec leur réalisation et leur cadre pensé pour être pratique. Et dans Dr. Evil, moi ce que j'aime beaucoup c'est l'intention très cartoon avec tu vas voir des cow-boys qui jaillissent du cadre qui jaillissent dans le cadre comme ça, qui viennent de nulle part. Il y a des choses très, très cartoon, Dr. Evil en géant. Et en même temps c'est mélangé avec des choses qui sont très réelles. Très intimiste. Voilà, très intimiste, très réel. On y croit, on croit que c'est des gens comme toi, moi, tu vois, qui sont fans de comics et qui disent tiens j'ai envie de me lancer là-dedans. Et puis d'un coup comme tu dis on va voir Bad Horse, un cheval qui est mauvais quoi. C'est... voilà, des gars à moustachu qui chantent, enfin c'est des gens avec des super pouvoirs. C'est mais c'est en peu d'épisodes parce qu'en fait le truc dure même pas une heure. Alors en fait il y a trois actes d'à peu près je sais pas 10-15 minutes je pense, non le temps d'un film. En tout ça fait à peu près 40-45 minutes donc c'est vraiment. Il arrive à construire un univers qui te donne vachement envie d'en avoir plus et tout. Regarde, c'est limite construit comme un opéra. Souvent t'as des opéras qui sont en trois actes où tu as le premier acte c'est oui on est innocent, on est content, on veut faire nos trucs. Le deuxième acte c'est ah ça commence à partir en sucette et le troisième acte c'est sombre, c'est les héros qui sont bouffés, c'est l'apothéose. Ouais, voilà. Et on avait un invité spécial, j'espère qu'il est ça va être disponible, qui voulait nous parler des comics parce qu'il y a une suite comme Whedon l'a fait avec Buffy ou même avec Firefly et même avec The Lodge je crois. Ouais. À chaque fois on a le droit à la suite en comics parce qu'il y a toujours du mal à faire des suites alors que ça fait des années que le public réclame un Dr. Evil 2. Donc. Et voilà. Et donc il a fait la suite en comics. Et il y avait SN Parod qui voulait nous parler des suites en comics, puisque lui, il les a lues, il a eu la chance de les lire. Et ben on va lui dire bonjour. Est-ce que tu nous entends ? Oui, je vous entends, je suis là. Donc salut. Alors, est-ce que tu peux te donner un petit avis sur comment tu as découvert et pourquoi tu aimes tant Dr. Evil avant de nous parler des comics ? Oui, alors Dr. Horrible, je l'ai découvert parce que c'était Josh Whedon et qu'en plus ça avait un petit trip justement comics avec ce côté super vilain que j'avais bien aimé. Ouais. Je sais plus, je peux pas trop dire à quelle époque j'avais découvert ça, ça devait être en 2010 ou en 2011. Je crois. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler des comics alors de un petit topo sur... Ah ouais, ça m'intéresse parce que j'étais pas au courant qu'ils avaient fait une suite. Alors. Si. Enfin, c'est pas des suites en fait. Ah. Tous les comics sont des préquels en fait. Et okay. Il y a combien de titres en fait ? Alors, il y en a 5. Ok. Il y en a 5 qui sont tous écrits par Zach Whedon, donc le frère de Josh. Ouais. Donc qui avait participé à l'écriture de la web-série. Ouais. Et ils sont tous sortis en fait chez Dark Horse entre 2009 et 2010 à peu près. Ok. Donc il y a eu 3 histoires courtes en fait qui étaient sorties gratuitement sur le MySpace de Dark Horse à l'époque. Oh, putain, on sent que ça vient de loin, MySpace. ouais, ça date pas très grand. Ils sont vieux du coup. Voilà. Donc et en fait donc chacune en fait des chacune des histoires en fait reprenait un personnage. Ok. Donc on a une histoire sur Captain Hammer. Ouais. Qui nous présente essentiellement en fait la façon de voir de Captain Hammer et tout ça. Donc, et qui en fait quoi, le rend. Ouais. Et en fait, il le rend encore beaucoup plus antipathique. D'accord. Parce qu'en fait, on nous explique qu'en gros, pour lui, toute personne un tant soit peu intelligente, eh ben, c'est un futur super vilain en puissance. Ah, d'accord. Voilà. Ça, c'est voilà, de la philosophie. Pourquoi je suis pas étonné ? On en a un sur le personnage de Moist. Ah ouais. Ah cool. Qui nous explique en fait comment il est devenu aussi transpireux, on va dire. D'accord. Oui, parce que c'est son pouvoir en fait, il transpire beaucoup. Le pouvoir génial, on adore. C'est ça, et qui du coup fait un petit pied de nez sur toutes ces histoires de super pouvoirs liés aux incidents, puisqu'en fait il a eu ça parce qu'en fait son père l'a forcé à dormir à côté d'un humidificateur soviétique. D'accord. L'origine story de ouf. C'est ça. Bon, on a aussi le droit à la première rencontre entre Moist et le Dr. Horrible, et c'est tout mignon. D'accord. Et du coup, voilà. Le troisième, c'est quel ? Le troisième, c'est sur Penny. Ok. Et celui-là, c'est beaucoup moins mignon, parce que celui-là est beaucoup plus sérieux. Ouais. Voilà, on voit beaucoup les problèmes de Penny, enfin voilà, sa vie de famille qui n'existe plus, sa vie sentimentale, tout ça. Ça rappelle bien que Dr. Horrible, c'est pas que de l'humour. Ouais. Ouais. Et voilà. Et donc, il reste deux autres comics, vite fait. Ouais, vas-y. Donc, il y en avait eu un donc, qui était sorti en papier. C'était un vrai numéro de comics donc, qui était sorti. Donc, qui revient donc, du coup sur le passé de Dr. Horrible. Ouais. Sur comment donc, il a... Comment il a voulu devenir voilà, un vilain scientifique. Et justement, qu'en fait, c'est la société qui en fait, repousse tous les gens un peu trop intelligents, en fait, qui les met de côté, qui les pousse elles-mêmes à devenir des super vilains. Ok. Voilà, est-ce... puis la première rencontre entre le Capitaine Hammer et tout ça. Ok, est-ce que c'est des comics que tu conseilles Pour les fans, oui. Ouais, mais en même temps, va acheter. Ouais, il faut peut-être être initié avant, au moins avoir vu la série. Alors, initié, je sais pas, mais disons qu'en fait, l'intérêt, c'est surtout d'apporter quelque chose au personnage. Ouais. Quelque chose en plus à la série, ouais. Du background, ouais. Voilà, ouais, c'est plutôt des petites histoires de background. Ok. Voilà. Et est-ce que, bon, on va arrêter sur les comics, mais est-ce que, avant de finir, tu peux nous faire un peu de pub pour ta chaîne et nous dire ce que tu fais sur YouTube notamment ? Si tu veux, donc moi je suis SN Parod, donc je suis un vidéaste principalement comics. Ouais. Voilà, je traite de l'actualité comics à peu près toutes les semaines. Et je fais des critiques de comics un peu plus grosses. Ok. Voilà. Et ben merci beaucoup à toi d'avoir intervenu pour nous parler des comics et qui je pense a donné beaucoup envie à Faye d'acheter d'acheter ce TPB. Oui, beaucoup, parce qu'il y a vraiment un univers fantastique tout autour. Rien qu'à la fin, on voit des dizaines de personnages et j'aimerais trop voir des comics. Oui, et ben justement, il y a aussi un comics qui reprend Bad Horse et toute la Ligue des Méchants aussi. Oh, c'est génial. Bon, tu m'as convaincu, c'est bon. On achètera. Donc, merci beaucoup à toi. Et du coup, on va passer à la troisième pause musicale, okay. Cette fois la troisième, avec. La mienne, enfin celle que j'avais choisie, la chanson que j'ai choisie, qui est My Eyes, et après on finira, on va faire la conclusion. Okay. Magnifique chanson. Voilà. Any dolt with half a brain can see that humankind has gone insane. To the point where I don't know if I'll upset the status quo if I throw poison in the water main. Listen close to everybody's heart and hear that breaking sound. Hopes and dreams are shattering apart and crashing to the ground. I cannot believe my eyes, how the world's filled with filth and lies. But it's plain to see evil inside of me is on the rise. Look around, we're living with the lost and found. Just when you feel you've almost drowned, you find yourself on solid ground and you believe there's good in everybody's heart. Keep it safe and sound. With hope you can do your part to turn a life around. I cannot believe my eyes. Is the world finally growing wise? 'Cause it seems to me some kind of harmony is on the rise. Anyone with half a brain could spend their whole life howling in pain. The things that I'm afraid, 'cause the dark is everywhere and Annie doesn't seem to care. That soon the dark in me is all that will remain. And I believe close to everybody's heart and hear that breaking sound. Hopes and dreams are shattering apart and crashing to the ground. I cannot believe my eyes, how the world's finally growth and wise. But it's plain to see, and it's plain to see, evil inside of me is on the rise. on arrête de chanter parce que tout le monde chantait. Alors moi Donc c'est toujours Radio Campus Montpellier sur le 102.2 et puis sur internet pour les gens. Et c'est Comics Discovery. Et c'est Comics Discovery. et vous venez d'écouter My Eyes donc de Radio de Radio Campus. De Dr Arrival, excusez-moi, chanté par Neil Patrick Harris et Felicia Day. N'importe quoi. C'est la fin de l'émission. Donc je sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave. Donc j'ai choisi cette chanson parce que c'est ma préférée, je trouve que c'est celle qui sonne le mieux et j'aime beaucoup l'effet de comme tu m'as soufflé tout à l'heure de miroir entre Felicia Day et Neil Patrick Harris qui est vraiment cool. On a tous les deux, on voit leur but de ce qu'ils veulent faire et commencent à déchanter sur cette chanson parce qu'on a Felicia Day qui dit oui, c'est génial, il y a de l'espoir et tout, puis à la fin elle dit ah non, mais il y a quand même un truc qui change. Tu vois, un peu comme dans Sauce DC où elle dit je devrais être super contente et tout, et puis en fait, non quoi. Ouais. Et comme on a encore un peu de temps, malheureusement on en a pas assez, on va faire une petite conclusion sur ce que tu veux conclure sur Dr. Ribble, vas-y. Alors je suis désolée parce que j'aurais voulu en parler plus parce que on fera sûrement un geek en série dessus pour les gens avec. Sûrement, je pense. Qui durera 4 heures. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est riche. On peut le prendre pour un divertissement simple, basé sur le comics, mais il y a beaucoup, beaucoup de thématiques. Comme on a dit, les apparences qui sont trompeuses, que finalement. On n'est pas ce que les autres voient de nous, donc ça c'est super intéressant. On a comme dans Buffy justement les numéros musicaux qui mettent en scène en fait ce que pensent et ressentent les personnages, donc c'est vraiment pas mis là au hasard, c'est vraiment dans une intention particulière pour montrer encore une fois que ce qu'ils ressentent c'est pas ce qu'ils montrent. Donc c'est intéressant. On a vraiment tout le côté le fantasme autour du comics. Ouais. N'est-ce pas, mon petit James? On a une réalisation qui est cool, qui nous montre des persos humains. Et c'est finalement, tu vois, encore plus intéressant que ce qu'il a fait sur Marvel ou ce qu'on peut voir chez DC. Parce que là, on a vraiment des gens vrais, quoi. On y croit. On y croit que ce petit Billy. On y croit que ce petit Billy veut être un petit vilain comme Bador, ce qu'il a vu, qu'il idolâtre et tout. On y croit, mais il y a quand même un point où il veut pas aller. C'est-à-dire, il veut pas tuer, c'est un peu du mal. On y croit que Penny, c'est une fille. Ça pourrait être la fille en détresse, mais elle est pas tellement en détresse, c'est juste qu'elle est un peu fragile et qu'elle déchante. On y croit que Captain Hammer c'est un abruti. Il y a un casting fantastique. Je vais couper parce que sinon tu t'arrêteras jamais. Je voulais conclure parce que je pense que Léopold, tu recommandes la série quand même. Moi oui, évidemment. Est-ce que t'as deux petits points pour me dire pourquoi tu recommandes la série? C'est une série qui me touche beaucoup. Enfin, en tant que cinéphile déjà, le mot très solennel. En tant que cinéphile, c'est une série qui me parle énormément parce que comme on l'a abordé au début, c'est vraiment l'intention. C'est une série qui fait plaisir à voir parce que tu sens que ils ont pris du plaisir à le faire. Qu'il y a... C'est un truc qui se dégage beaucoup de la série. C'est... Donc, moi, c'est quelque chose, c'est ce genre de cause qu'il faut forcément soutenir. Donc, rien que pour ça, pour moi, il faut voir Dr. Horrible. Et puis, c'est fait avec tellement de talent. Et c'est tellement beau, tellement juste que pour moi ça devient beaucoup plus intéressant qu'à Avengers, que j'aime beaucoup les deux Avengers d'ailleurs, mais pour moi c'est plus intéressant parce que c'est un niveau inférieur et c'est surtout directement le dialogue d'un réalisateur et d'une équipe sans passer par un studio. Est-ce que tu veux enchaîner? Je voulais juste dire si vous pouvez trouver le Blu-ray, alors c'est une édition américaine mais il y a les sous-titres français dessus. Et en fait ce qui est intéressant c'est qu'on voit donc toute la préparation en bonus et on voit justement tout le plaisir qu'ils ont pris et surtout il y a les commentaires audio qui sont chantés. C'est fantastique. Et moi je vais vous recommander le truc juste pour les chansons quoi, parce qu'elles sont vraiment géniales et que c'est entraînant et que vous allez les écouter toute la journée en allant au travail, en revenant du travail, en mangeant, sur la cuisine. Non mais c'est juste génial. C'est génial. Donc on va conclure sur ça et on voulait conclure sur une je vais peut-être pas l'envoyer maintenant, je vais attendre un peu. Donc est-ce que tu peux faire un peu l'instant promo? Mon cher Léopold, de ta vie, de ta chaîne. L'instant promo, eh bien allons-y. Donc comme j'ai dit au début de l'émission, vous pouvez me retrouver sur YouTube. Je tiens une chaîne de critique de cinéma qui s'appelle The Viewer. Et j'essaye de parler de plus en plus sur des sujets variés autour du cinéma. Ok. Voilà. Et toi, c'est sur l'Amiga du Geek. Oui, vous pouvez me retrouver sur l'Amiga du Geek. On vous promet, on va refaire des vidéos. Alors oui, j'ai bien avancé sur les geeks en série et je vais bosser sur les émissions de ciné. Bah, c'est quoi la dernière ? C'est la dernière qu'on a sortie, c'est Suicide Squad. Oui, c'était ça. Hein, Suicide Squad, non, c'était les 15 questions. Comics, ouais. Ouais, donc ça fait un moment qu'on n'a pas. Mais là, je pense que je vais créer quelque chose sur Captain Fantastic au niveau cinéma. Ok. Voilà. Okay, okay. Et sinon, j'ai au moins 3 scripts de geeks en série qui sont prêts. Et bah, c'est prêt. On monte le micro peut-être. Je sais plus ce que je voulais dire. Et on avait dit les attentes et je n'ai pas préparé, je sais plus ce que je voulais dire. Moi, les attentes de Doctor Strange. Qu'est-ce que j'attends pour la suite? Doctor Strange, parce que ça me hype beaucoup. J'ai tout Marvel, ça... Je vais dire quand même que j'ai aimé tout Marvel au cinéma, donc pourquoi pas. Et en plus, la semaine prochaine, on fait une émission spéciale sur Doctor Strange pour vous présenter et le personnage. Et d'ailleurs, tu n'avais pas fait. Et j'ai complètement oublié. On devait faire le tirage du concours. Et ben, tu feras sur Facebook. On le fera sur Facebook. Comme ça, vous pouvez encore participer. Bon, on va vous donner un peu plus de temps parce qu'on est gentil. Ouais, c'est mardi l'avant-première. L'avant-première est mardi. Bah, tu dis jusqu'à lundi. Ça fait un peu short. Alors jusqu'à dimanche. Je vous avais jusqu'à samedi pour participer au concours sur Facebook. Donc vous avez qu'à aller sur la page Facebook de Comics Discovery et vous partagez l'image en votre public. Je l'ai épinglé en haut. Donc et vous likez la page. Vous likez la page et vous partagez l'image et vous avez là votre chance de gagner votre place pour l'avant-première en IMAX 3D au Gaumont Multiplex. Donc voilà, que de demande de peuple. Est-ce que tu avais des attentes pour les semaines qui vont suivre ? Oui, alors j'en ai une hors comics et une comics. Vas-y. Tu veux laquelle en premier ? La hors comics. Alors la hors comics, moi j'attends impatiemment samedi soir à 21h30 pour écouter le nouveau podcast de Pourquoi Buffy c'est génial, une émission encore de la promo. D'utilité publique. T'as vu comme je suis. Et encore du Whedon. Hein, voilà, justement, si vous voulez savoir pourquoi Whedon c'est super et pourquoi Buffy c'est une série qu'il faut voir, et ben écoutez ça, ils l'enregistrent en live sur YouTube, donc samedi soir. Allez-y, ça sera sur un épisode de la saison 6. Ok. Est-ce que tu avais une attente hors comics ? Et bon, évidemment, comme ça sort dans une semaine maintenant, Doctor Strange, hein, parce que bon, moi j'aime beaucoup l'univers super-héroïque au cinéma, et là particulièrement, parce que bon, ça, j'espère que ça va changer un peu de Marvel, qui commence à se répéter un peu quand même, peu. Dis donc. Par c'est gentil, c'est vrai qu'il se répète beaucoup. Ouais, qu'il se répète beaucoup depuis un moment, ils l'ont épuisé. On peut le dire. On peut le dire, et Doctor Strange qui va déjà être fait par, non pas un Yes Man, mais par un vrai réalisateur entre guillemets, hein, Scott Derrickson, qui avait fait Sinister, ah que ouais, je conseille. Scott Derrickson. Sinister, c'est pas génial. Hein. Enfin, Sinister, ça faisait pas peur, mais c'était très intéressant dans la mise en scène. Alors, moi, je conseille, si je me trompe pas de nom, L'exorcisme d'Emily Rose. Ah oui, c'est lui qui a fait juste génial ça, parce que c'est une histoire d'exorcisme sous forme de procédural. Et ça n'avait pas été fait. Et le film est génial, il y a une ambiance lourde, c'est vraiment, ça fout la pétoche. Ah si, j'ai une attente comics, enfin ouais. Hors comics, c'est, qu'on l'a pas vu encore, c'est Don't Breathe de Fede Alvarez, dont on avait parlé la semaine dernière aussi. Ouais. Mais j'ai envie de le voir parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui disent que c'est bien. Ouais. Et les bons films d'horreur au cinéma. Ça manque. Ça se fait rare. Hein. Oui, ça se fait très rare. Ça se fait rare, mais du coup, il y a un phénomène qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un bon film, il y a énormément de choses, énormément de bonnes critiques qui disent « Ah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça !» Et du coup, parfois, j'ai le sentiment que quand je vais voir un bon film d'horreur, il m'a été survendu. Ah oui. Alors que ça pourrait être juste une bonne surprise. Je me dis « Ouais, j'ai pas beaucoup de bons films d'horreur, et je vais voir. » Je crois que le dernier bon film d'horreur que j'ai vu, c'était Le Dernier Train pour Busan. Ah bah ouais, mais c'est vraiment excellent. Ouais, c'est un film trop zombie. Moi, je dirais The Witch, qui était vraiment très intéressant. J'ai pas trop aimé The Witch. Moi j'ai aimé parce qu'on a une peur normale, fantastique et un côté très mental en fait. Et c'était super intéressant. Après il y avait The Conjuring 2 qui était pas mal. Qui était très bien. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Nous ne sommes pas une émission de cinéma. Oui, on va pas piquer la... Est-ce que tu veux une attente comics ? Oui, vas-y, une attente comics. Alors au mois de novembre, il y a pas mal de TPB Star Wars qui sort. Le 9 novembre, vous avez le volume 3 en VF de Dark Vador et de Star Wars. Et à la fin du mois, il y a Podamron qui est plutôt pas mal. Divertissant, okay. Mais pas mal. Et moi, vas-y. Du coup, moi, juste, je lis pas beaucoup de comics, vous l'aurez peut-être remarqué, mais je suis très attentivement les films. Donc, on a parlé en début d'émission de Logan, le nouveau film Wolverine, qui, moi, personnellement, c'est ma grosse attente de super-héros de l'année prochaine. Alors qu'il y a énormément de films de super-héros, je crois qu'on en a 6 l'année prochaine, 5 ou 6. On a le nouveau Spider-Man qui s'annonce pas super, mais... on a Thor 3. Que ça annonce pas trop mal, Justice on a Justice League, Wonder Woman, et on a Logan. Et Logan, ça me tente putain, beaucoup. J'avais pas mis en tête qu'il y en avait autant, quoi. Ouais, on en a beaucoup, comme cette année, on en a eu pas mal aussi. Et Logan, ça m'intéresse beaucoup déjà parce que c'est un rated R, donc moins de 17 ans aux États-Unis, sans doute moins de 12 en France, après le passage de Deadpool qui avait vraiment été un gros carton au box-office, surtout pour un film interdit aux moins de 17 ans. Ouais. Et du coup, Logan, déjà un film Wolverine bien violent, ça peut être sympa, surtout que ce sera la dernière fois que Hugh Jackman. Peut-être qu'on va le voir crever, ce serait cool! Ah, qu'est-ce que ce serait ouais bien! C'est, à mort, c'est... Hugh Jackman! Allez, vraiment, je fais péter si le studio, si le studio a les bollocks de faire ce mourir Wolverine cool. Ah, moi, je après 17 ah, ans, je me lève et j'applaudis, standing ovation. Ce serait vraiment bien, déjà que ils ont pris le courage de faire un film moins de 17 ans, sachant que ça peut induire des pertes d'argent, mais également de faire un film qui s'appelle Logan. C'est rien, mais il n'y a pas Wolverine dans le titre. Ouais. Donc déjà, ça implique une certaine prise de risque. Et puis moi, j'attends beaucoup aussi cette jeune X-23. Que vraiment moi, ça me plairait beaucoup de voir ça. Moi, ça me donne envie de faire des sales blagues avec Logan. Ok, je vais finir sur mes attentes. Il y avait juste Descender tome 2, dont j'avais déjà parlé, que j'ai toujours pas acheté. Si, je l'ai acheté et je l'ai pas lu. Donc, j'attends de lire. Voilà, ça sera tout pour mes attentes. On va conclure sur une musique qu'on avait choisie pour la fin. Et c'est Walk to the Fire de Buffy, puisqu'on pense que c'était cool quand même de finir sur Buffy. L'épisode Once More with Feeling dans la saison 6. Donc, moi, je tiens tout d'abord à remercier vraiment Radio Campus Montpellier et Arnaud à la technique qui a fait un travail magnifique. Merci. Ouais, on est en plus au dernier moment, c'était un peu. Et en plus avec des stressés de la vie. Tu ouais, vois. Grave. C'est vraiment une émission faite au dernier moment et dans le stress, donc c'était cool. Donc vous pouvez toujours nous écouter sur le 102.2 tous les mardis. Et en plus de ça, si vous pouvez pas écouter ou si vous êtes pas sur Montpellier, sachez qu'on est dispo sur Podcloud et sur iTunes. Donc n'hésitez pas à venir nous mettre 5 étoiles sur iTunes parce que plus on sera référencé et mieux on sera mis en avant par iTunes. Et vous pouvez retrouver le Facebook de l'émission, donc Comics Discovery, le Twitter de l'émission. Vous pouvez retrouver Faye et moi-même sur l'Amicale du Geek, donc Facebook, Twitter pareil. Ouais. Et Léopold, c'est pareil, tu as Facebook, tu as Twitter. Donc j'ai Facebook, j'ai Twitter, The Viewer, tout ça. Voilà, YouTube, voilà. Tout ça. Et merci beaucoup. Tu voulais faire un bisou, je crois. Voilà, merci beaucoup déjà à vous de m'avoir invité comme ça au dernier moment. Ma première radio, c'était très plaisir. Merci à toi d'avoir répondu à cette invitation aussi rapidement. Et si je pouvais faire un petit coucou. Vas-y. À ma chérie Aurore qui nous écoute, je crois, voilà. Et à mon oncle Fred. Voilà. Ok. Je me permets de te dire, il me semble que tu voulais recruter des gens pour émission. Vu qu'on est, on est une petite équipe, donc si vous lisez des comics, que vous êtes sur Montpellier, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à comicsdiscovery@gmail.com. Voilà, tout simplement. Et ben voilà, c'est tout. Je crois qu'on a fini. Ouais. On peut envoyer le morceau. Au revoir à tous et à la prochaine. Au revoir. Bonne soirée et bonne écoute. The fire and it freezes me. I look into it and it's black. Why can't I feel? My skin should crack and peel. I want the fire back. Now through the smoke she calls to me to make my way across the flame. To save the day. Buffy's laughing, I've no doubt. I hope she fries. I'm free if that bitch dies. I better help her out. Cause she is drawn to the fire. Some people she will never learn. And she will walk through the fire. Do a thing to change her. Am I leaving Dawn in danger? Is my slayer too far gone to care? What if Buffy can't defeat it? Beady eyes is right where needed. Or we could just sit around and glare. You We'll see it through, it's what we're always here to do. So we will walk through the fire. So one by one they turn from me. I guess my friends can't face the cold. Kill her, then I'll save her. Everything is turning out so dark. No, I'll save her, then I'll kill her. What they meant mostly to learn. It's what they meant to strike a spark. These endless days.